Exercice 9, page 117. A. Qu'est-ce que vous louez ? Transformer. Vous louez quoi ? B. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Transformer. Vous souhaitez quoi ? C. Qu'est-ce que vous envoyez ? Transformer. Vous envoyez quoi ? D. Qu'est-ce que tu bois ? Transformer. Tu bois quoi ? E. Qu'est-ce que tu choisis ? Transformer. Tu choisis quoi ? F. Qu'est-ce que tu aperçois ? Transformer. Tu aperçois quoi ?